Impressionné par ces révélations de sa sœur Cléopâtre, Ptolémée est plus que jamais décidé à faire assassiner Pompée pour se concilier à faveur de César, son rival, vainqueur à Pharsale en Thessalie. Et Pompée est effectivement assassiné à son arrivée à Alexandrie, sous les yeux des siens impuissants et de son épouse Cornélie, qu'il avait épousée à la mort de Julie, la fille de son rival. Septime, après avoir coupé la tête de Pompée et l'avoir plantée au bout d'une pique tendue par Achillas, abandonne le corps de Pompée à la mer. Mais Philippe, affranchi de Pompée, se jette à l'eau pour récupérer le corps et, si possible, lui rendre les honneurs funèbres en l'incinérant. Cependant, voici que César est lui-même arrivé à Alexandrie et l'on rapporte à Cléopâtre qu'il est ulcéré par cet assassinat. Face à Ptolémée, qui croit ainsi se justifier, j'ai cru sa mort pour vous, un malheur nécessaire. Vous m'en désavouez, vous l'imputez à crime. Mais pour servir César, rien n'est illégitime. César, réplique à Ptolémée, vous cherchez Ptolémée avec trop de ruses, de mauvaises couleurs et de froides excuses. Oh, combien d'allégresse! Une si triste guerre aurait-elle laissé dessus toute la terre si Rome avait pu voir marcher en même char, vainqueur de leur discorde, et Pompée, César. Voilà ces grands malheurs que craignait votre zèle. Ô crainte ridicule, autant que criminelle. Vous craignez ma clémence. Ah, n'ayez plus ce soin. Souhaitez-la plutôt, vous en avez besoin. Si je n'avais égard qu'aux lois de la justice, je m'apaiserais, Rome, avec votre supplice, sans que ni vos respects, ni votre repentir, ni votre dignité vous puissent garantir. Votre trône lui-même en serait le théâtre. Mais, voulant épargner le sang de Cléopâtre, j'impute à vos flatteurs toute la trahison, et je veux voir comment vous m'en ferez raison. Suivant les sentiments dont vous serez capable, je saurai vous tenir innocent ou coupable. Cependant, à Pompée, élevez des autels, rendez-lui les honneurs qu'on rend aux immortels, par un prompt sacrifice, expiez tous vos crimes, et surtout, pensez bien au choix de vos victimes. Allez y donner ordre, et me laissez ici entretenir les miens, sur quelque autre souci.